chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. Profitez du prix employé jusqu'au 2 octobre sur le F-150. De plus, profitez d'un rabais de 1 000 $ supplémentaires si vous êtes membre Costco. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford souligne l'importance d'acheter localement pour soutenir notre économie. Ça a pas mal, la terre a pas mal tremblé cette semaine lorsque les Alouettes ont annoncé mercredi matin que Jacques Chapdelaine a été congédié. Et évidemment, on regarde sur les médias sociaux, on regarde un peu les commentaires des amateurs. Ça fait pas l'unanimité du tout. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de rejoindre l'ex-président des Alouettes de Montréal. C'est toujours intéressant d'avoir les commentaires du président, l'ancien président Larry Smith. Bon matin, Larry. Bonjour, Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Larry, faut dire que là, t'es vraiment rendu un observateur, un partisan, un ancien joueur des Alouettes, et probablement le gars qui a fait en sorte que le football est revenu à Montréal, le football canadien. Comment t'as trouvé la semaine chez les Alouettes de Montréal? Je sais que ça fait pas l'unanimité, les partisans sont furieux. Toi, en tant que partisan et en tant que ancien président, comment tu trouves ça? Mais vous savez, Danny, que quand vous prenez la décision de laisser aller votre instructeur-chef, votre coach, c'est pas facile parce que ça affecte tout le monde dans l'organisation. Jacques Chapdelaine, c'est un bonhomme qui a bâti une carrière impressionnante, pas juste dans le LCF, mais dans le collège, football universitaire au Québec et Canada. Alors, c'est un bonhomme qu'il faut respecter et en même temps, quand vous laissez aller votre coach au mi-saison, ça dit que il y avait quelque chose qui marchait pas. Maintenant, j'ai vécu cette même situation quand Jim Popp et moi nous avons laissé aller notre coach Rod Russ, qui était mon coach. Quand j'étais avec les Alouettes comme joueur 20 ans avant. Mais okay. La question toujours, c'est que les raisons de faire le changement. Et la productivité, la performance, c'est évident. Dans ce cas, le club n'a pas performé. Maintenant, est-ce que c'est juste la faute du coach? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont là? Moi, je ne suis peu dans la situation pour déterminer ça, mais comme observateur, je peux dire une chose, c'est que c'est évident que quelque chose ne marchait pas. Comment expliquer qu'on y va avec 5 entraîneurs en 5 ans? On n'a pas été capable de trouver un successeur à Anthony Calvillo. C'est là que tout le monde dit la chose. C'est là que ça a mal été. C'est un peu le résultat de ce qu'on voit aujourd'hui maintenant. Mais ça se fait qu'on a 5 entraîneurs en 5 ans. Mauvaise gestion, mauvaise planification, c'est quoi? Mais vous savez que dans une organisation du football ou une organisation d'affaires, il faut que vous avez un alignement. L'alignement commence avec le propriétaire, ça descend au président, ça descend au vice-président, ça descend au coach, les adjoints, tout le personnel dans l'atelier. Alors, c'est évident qu'il y a une lacune quelque part, alors que vous avez un nouveau organisation dans le sens que vous avez un nouveau président avec le jeune Boivin, vous avez un nouveau coach, vous avez un nouveau directeur général, puis il faut que tout le monde se place. Alors, des fois, dans la première année d'un nouveau groupe, vous avez des hauts puis des bas, et c'est évident qu'ils ont eu pas mal des bas cette année. Maintenant, pour vraiment analyser ça, je pense que probablement depuis une couple de semaines ou une couple de mois, il y avait ce sens que quelque chose marchait pas. Okay. Et ils ont pris une décision, puis au fin de journée, c'est quelque chose qu'il faut dire ou faut faire. Là. Les propriétaires, M. Wettenhall, puis son fils, puis avec la direction, ils ont pris une décision. Alors, c'est à peu près ça. Ouais. La question est combien de temps est-ce que ça prend pour chercher cette magie-là, cette balance? Nous étions très chanceux. En 97, nous avons amené un club en 96 qui était formé. Nous avons eu un excellent directeur général. Nous avons vraiment fait une chose. Nous avons cherché Anthony Carvillo quand Tracy Ham, son carrière était finie. Oui. Et nous avons été capables de remplacer les morceaux. Et Jim Popp était un bonhomme extraordinaire. Puis nous avons eu l'alignement avec M. Wettenholm, moi-même, Jim et les coachs. Mais, par contre, il faut admettre une chose. L'année que nous avons choisi Rod Rust, Rod est un excellent coach défensif, mais c'est pas un bonhomme qui était capable de coacher toute l'équipe. Mm. Et nous avons fait une erreur. Mais nous étions chanceux, Danny, de repérer et régler le problème vite avec l'entrée de Don Matthews qui a c'est sûr. Fait son preuve. Je regarde ça comme partisan et amateur. L'erreur n'a pas été commise que Jacques Chapdelaine a été imposé par Kevin Sweet. Ça ressemble à ça pas mal parce que c'est Kevin Sweet qui était directeur général, mais la popularité de Jacques Chapdelaine, le fait qu'il a remporté 3 victoires l'an dernier, c'est un Québécois. On sentait vraiment les choses aller, le vent virait de bord. Donc du côté des Alouettes, on n'avait pas vraiment le choix de ramener Jacques Chapdelaine. Mais est-ce que c'était vraiment le choix de Kevin Sweet? Et c'est peut-être été ça l'erreur, dans le fond, d'avoir imposé Jacques Chapdelaine à Kevin Sweet? Ou d'avoir choisi Kevin Sweet comme directeur général? C'était ça l'erreur. C'est la question. Oui. Généralement, quand vous faites votre alignement comme organisation, et la chose que nous avons fait avec le départ d'un coach, c'était toujours le propriétaire, Jim Popp et moi, nous sommes assis ensemble et nous avons fait un plan d'action, nous avons fait des entrevues, ensemble, nous avons créé une espèce d'évaluation pour chaque candidat. Et je ne sais pas comment ils ont fait ça. Alors, c'est pas pour moi de critiquer l'administration aujourd'hui. Mais par contre, nous étions assez chanceux de faire des bons choix la plupart du temps. Et dans le recrutement, la règle de jour, c'est qu'il faut que vous avez 66 à 70% du temps que vous faites du bon choix comme moyenne pour avoir le succès. Malheureusement, dans les années plus récentes, cette mix ne marche pas. L'élément clé dans une organisation, c'est votre corps arrière. Puis depuis le temps de départ, la retraite d'Anthony Carvillo, malheureusement, le club n'était pas capable de chercher la magie d'un corps arrière qui fonctionne. Je pense que Durant, c'est un bonhomme qui est très capable, mais par contre, il y a quelque chose qui marche pas. Puis l'organisation, ils ont dit, « Hey, nous avons encore du temps parce que le lest de la LCF est faible. Imaginez-vous que maintenant qu'il peut gagner 5 ou 6 matchs, il peut finir en première ou deuxième place dans l'Est puis entre dans les éliminatoires. Okay. Alors, ils ont essayé de faire un move pour sauver la saison. Ouais. Si Larry Smith serait président aujourd'hui des Alouettes de Montréal, à la fin de l'année, là, puis il y aurait la mission de ramener les Alouettes dans le droit chemin. Qu'est-ce que Larry Smith ferait là? Actuellement, on voit la situation là, actuellement là, des Alouettes, et à la fin de l'année, on nomme Larry Smith président pour une 3e fois. Qu'est-ce que Larry Smith ferait? Mais il faut admettre une chose, Danny, ce ne sera pas une 3e fois. Je le sais. Et moi, je suis observateur, alors je pense que nous avons discuté assez dans notre entrevue pour que les amateurs puissent vraiment faire leur propre opinion. OK. C'est toujours important. Et la clé de succès, c'est que le président est nommé par le propriétaire, puis le propriétaire... Et le président, il fait un plan d'action. Alors, je pense que c'est évident que le président, le propriétaire et Kevin Sweet, ils ont fait un nouveau plan d'action. Puis maintenant, il faut regarder les résultats. Okay. Parce que tout le monde sera toujours jugé. Et la personne qui fait le jugement, c'est le propriétaire. Et dans ce cas, son fils. Est-ce que... Maintenant, le fait, parce que la famille Whitehall a fait beaucoup pour le football à Montréal. Peut-être que si la famille Whitehall aurait pas été là, il n'y aurait peut-être plus d'Alouette. Mais est-ce que le temps ne serait pas venu que ce club-là appartienne à des intérêts québécois proches du peuple pour assurer la pérennité des Alouettes? Mais c'est une excellente question, Dan. Parce que M. Whitehall et sa famille, ils ont fait énormément. Ils ont sauvé le football à Montréal. Moi, j'étais juste un individu qui était assez chanceux de jouer un rôle avec Jim Popp et avec tous les gens qui ont travaillé, le Claude Rochand, Richard Blais, mon fils Wes. Il y avait un nombre de personnes qui ont contribué à vraiment relancer le football à Montréal. Alors que maintenant, est-ce que c'est le temps pour le propriétaire de prendre une décision? Mais vous savez que ça reste dans les mains du propriétaire parce que lui a gagné. Il devrait avoir le respect du public pour tout ce qu'il a fait puis tout ce que sa famille a fait. Est-ce qu'il y a un groupe québécois qui sont intéressés? Mais si il y a un groupe québécois qui sont intéressés, c'est à eux autres de développer un plan d'action et de poursuivre la famille Whitehall pour vraiment discuter les possibilités. Mais vous savez, dans le sport, des fois, c'est très dur de chercher les gens parce que quand la popularité du club est haut, le prix est haut. Quand la popularité du club est bas, le prix n'est pas nécessairement bas, mais tous les investissements qui étaient faits par les existants, il veut avoir une chance de recouvrir cet argent. So, c'est une question, Danny, qui n'est pas facile à répondre. Oui, effectivement. Larry, moi, j'étais déçu parce que l'an passé, lorsque, tu sais, Mark Trussman était disponible, il y avait Jacques Chapdelaine également, il y a des gens qui souhaitaient peut-être le retour de Mark Trussman à Montréal. Moi, j'étais contre. Je disais, à un moment donné, c'est du passé. Le temps est venu maintenant d'avoir un entraîneur francophone. Jacques Chapdelaine représentait, je pense bien, le fait qu'il était prêt. Il avait gagné avec le Rouge et Or. Il avait été longtemps adjoint à Wally Buono, probablement le meilleur instructeur de l'histoire de la Ligue canadienne. Mais là, le fait que Chapdelaine ait été congédié, est-ce que c'est un recul pour les entraîneurs québécois? Mais est-ce que c'est un recul? Il faut regarder le terrain. Oui, il y a une chose qui est évidente. C'est évident que les joueurs québécois, pas juste dans la LCF, mais dans la Ligue nationale de football, nous avons un grand succès, réussite. Nous regardons le taux de réussite scolaire vis-à-vis éducation du côté amateur et le développement des jeunes athlètes du football. Nous avons eu une amélioration très importante. Maintenant, est-ce que ça va réduire les chances pour les coachs québécois? J'en doute. Parce que, vous savez, avec le succès de football, vous avez plus de coachs à tous les niveaux. Mm. Ça dit qu'il y a plus des ouvertures pour l'avancement des coachs québécois. Mais, par contre, il faut que les gens fassent leurs preuves, puis il faut qu'ils aient les opportunités. Et vous savez, dans la vie, pour chacun de nous autres, c'est notre obligation de développer notre propre carrière, puis c'est la même chose pour un coach québécois. Ouais, mais c'est le récit. C'est peut-être avoir la chance aussi, là. Puis c'est peut-être avoir la notoriété aussi, là, que peut-être que de ce côté-là. Là. Hey Larry, dernière question. Je me rappelle très bien des années des Alouettes qui sont devenues les Concordes, qui sont devenues les Alouettes. Il y a eu plusieurs années que c'était difficile. Je me rappelle, on avait même ramené Norm Kimball d'Edmonton, qui était un petit peu le gars de la Ligue canadienne. On disait, si Norm Kimball n'est pas capable de ramener le club, ça va être la fin du football, il n'y a pas personne d'autre. Je regarde ça aller présentement, ça commence à ressembler un peu aux mauvaises années qui ont mené à la disparition des Alouettes. Es-tu inquiète de l'avenir des Alouettes à court ou moyen terme? Mais je pense que quand je vois la Ligue en total, je pense que la Ligue était... avec le déclin des Alouettes, les Concordes, etc. Ouais. C'est quelque chose qu'avec des propriétaires différents, etc. Nous n'avons pas changé notre propriétaire. Nous avons la stabilité avec M. Whitehall puis Andrew, son fils. Nous avons la stabilité d'une famille qui est entranchée à Montréal. Alors, c'est pas la même situation vis-à-vis qu'est-ce qui se passait. Alors, la stabilité du propriétaire, c'est encore là. L'efficacité, c'est pas nécessairement vis-à-vis leur opération. Ça, c'est la faiblesse. mais la stabilité du propriétaire, c'était jamais en question, et nous devrions remercier M. Wettenhall pour ça. Mm. Mais par contre, lui savent, et son fils savent qu'il faut qu'il repère la situation pour vraiment retourner le club à un plus haut niveau. Nous allons voir les résultats. Ça commence maintenant. OK. Il y a aussi le fait aussi que dans le temps, il n'y avait pas le rouge et or, il n'y avait pas les carabins, il n'y avait pas les... Oui, mais c'est exactement ça, Danny. C'est pourquoi j'ai dit avant, le développement du football, le développement des jeunes Québécois, le grand, grand succès et succès vis-à-vis amélioration de l'éducation pour tous les jeunes qui jouent le football. Mm. Que s'ils ne jouent pas au niveau professionnel dans le LCF ou NFL, là, ils peuvent avoir une carrière enrichissante partout en faisant d'autres choses. Parce que le football, c'est une vie qui dure pas longtemps. Ouais, ouais. Je peux dire une chose. À mon stage de vie, je me sens les 160 matchs que j'ai joués dans les États-Unis. Danny, je suis chanceux. Le petit Larry est très chanceux. Il vit encore. Ben oui. Quand vous regardez le contact que vous allez prendre pendant une carrière de 9 ans, c'est pas mal incroyable. Imaginez-vous comment Peter Dallarive se sent après 13 ou 14 ans, ou Glenn Weir, 14 ans. Ouais. C'est incroyable. So, il faut avoir d'autres options. Le football est fun, mais au Canada, dans le LCF, sauf que vous êtes le quart arrière, puis vous gagnez 400 000 par année, et tu peux faire ça pour 10 ans. C'est pas la même chose pour un gars qui gagne 75 ou 100 000 et joue 5 ans. Ouais. Il faut que vous ayez quelque chose après. La vie de football, ça termine vite d'année. Oui, mais ce que je veux dire, c'est la culture. Il n'y avait pas de rouge et or, il n'y avait pas des carabins, il y avait pas. T'sais, le football n'était pas aussi répandu dans le temps qu'aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Là. Non, mais vous avez raison. Puis moi, je suis complètement d'accord avec ça. Puis moi, il y avait beaucoup de monde. J'étais juste une personne qui était impliquée, mais il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de Québécois, anciens joueurs, c'est eux autres qui ont développé le football au Québec pour tous les Québécois, les francophones. Puis moi, je suis fier de jouer juste un petit rôle dans ça. Voilà, un grand rôle. Larry, au plaisir de se reparler. C'était pas mal le fun d'avoir tes commentaires. Donc, puis bon vendredi. Mais merci, Danny, puis j'aimerais dire juste un petit point pour les gens dans votre coin. Oui. J'adore les bleuets de la région de Lac-Saint-Jean. Je mange au moins 5 ou 6 paquets par semaine. Ah, ben c'est bien ça. Ma femme me fait les tartes aux bleuets et j'adore ça avec un petit crème glacée vanille pour le petit Larry. Ah, ben merci beaucoup. Donc, l'ex-président des Alouettes de Montréal, Larry Smith.